Visite 3, compréhension auditive et production orale. Écoutez les phrases suivantes. Après chaque phrase, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que c'est facile d'aller à Rome? Oui. Tous les chemins mènent à Rome. 2. Le sport mène à tout. Est-ce que c'est bien le sport? Est-ce que c'est utile? Oui. Le sport mène à tout. 3. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. Est-ce qu'on sait toujours comment les choses vont tourner? Non. On ne sait jamais comment les choses vont tourner. 4. On ne sait jamais ce qui va se passer. Est-ce qu'on sait toujours ce qui va se passer? Non, on ne sait jamais ce qui va se passer. 5. On ne peut jamais être sûr de rien. Est-ce qu'on peut toujours être sûr de tout? Non. On ne peut jamais être sûr de rien. 6. Dans la vie, on ne fait jamais ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut toujours faire ce qu'on veut dans la vie? Non. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. En public, en foutant pas mal du regard oblique, des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques,